On va parler de hockey avec notre ami Simon Gaudreau des Aigles de Roberval. Les Aigles, il se passe quoi avec les Aigles? On sait que ça a mal fini un peu comme tout le monde en raison du COVID-19. On en parle avec le responsable des Aigles, Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, ça a mal fini, hein, comme un peu tout le monde, là. Comment vous avez vécu ça, quand ça s'est terminé? Ben là, ça a été de retomber un petit peu sur Ça nos fait pattes, là, bizarre, hein? quand on a vu que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue nationale, qui est dans le fond tout le monde, là, du côté professionnel, ont dû annuler, c'est sûr et certain que nous autres, c'était inévitable que ça allait arriver aussi. On était en plein préparatif pour les séries, là, nos trois équipes. Jouait, on commençait le lendemain ou le surlendemain nos différentes séries. Donc, on a été figé un petit peu comme tout le monde. On était aussi en période d'inscription pour le pré-camp qui s'en venait là, justement au mois de mai, là, qu'on n'a pas pu faire. Donc, on l'a vécu en lisant l'actualité, en suivant les consignes que le RSEQ et Hockey Québec nous donnaient. Et puis, dans le fond, on essayait d'avancer le plus possible d'informations, mais tu l'as vu comme moi, là, ça sortait un petit peu au compte-gouttes. Ben oui. Donc, puis au-delà de tout ça, au-delà du hockey, ben, les écoles ont fermé le lendemain. Il y avait eu une tempête et puis tout a fermé. Donc là, suite à ça, ben, aussitôt que les écoles sont fermées, c'est sûr que le hockey, on met une croix dessus là, pour ce OK. qu'en était. OK. Mais là, la RSEQ, il arrive quoi, là? D'abord, est-ce que vous êtes réglementé, vous fonctionnez avec Hockey Québec, là, j'imagine? Donc, vous allez marcher les mêmes principes qu'Hockey Québec? Exactement. Dans le fond, là, Hockey Québec, Hockey Canada. Quand Hockey Canada dit qu'il allait pas avoir d'événements sportifs avant le 31 août, ben c'est ça. Donc on suivait ces consignes-là. Il a fallu faire aussi avec la santé publique et puis le côté sanitaire, étant donné que tous nos équipements de hockey étaient à l'aréna encore. Donc on a organisé une collecte d'équipements dans les règles qui nous avaient été permis par le gouvernement. Donc, les jeunes sont venus ramasser le poche et puis présentement sont en attente d'informations, mais on travaille à des plans de retour comme les autres organisations, exemple le golf ont fait, comme le soccer, comme parce que tous ces sports-là. Donc là, Hockey Québec, là, 2 semaines, ont présenté un plan de retour et puis le RSEQ nous ont présenté la même chose. Donc là, cette semaine, nous avons une autre réunion là, pour en savoir un peu plus. Puis mon objectif, c'est que d'ici la fin juin, là, avant la fin de l'année scolaire, la vraie fin, je puisse donner vraiment un peu plus d'informations à mes parents là, qui sont en attente là, pour l'an prochain. OK. Là, ton recrutement, c'était très, très difficile, j'imagine, là. Pardon, excuse, peux-tu Ton répéter? recrutement, c'était très, très, très difficile. Ben, le recrutement, dans le fond, on était en pleine période d'inscription. Quand c'est arrivé, j'avais quand même une bonne masse là, de jeunes là, qui avaient démontré de leur intérêt en Benjamin Cadet Juvénile. Mais aussitôt que tout ça a tombé, tout est tombé, hein, gelé, tout a gelé un petit peu partout. Ils l'ont constaté au baseball aussi, puis tout ça. Donc, on savait même pas si quand que ça allait recommencer, on n'avait pas d'informations, fait que c'était un petit peu plus dur d'aller chercher ces inscriptions-là ou l'intérêt pour l'an prochain, étant donné que le monde ne savent pas ça va être quoi l'an prochain. Mais on a préparé des choses, c'est sûr et certain qu'on va avoir une offre de service, puis on va être en mesure là, de donner de l'information là, sous peu. C'est quoi que tu as préparé? Est-ce que tu peux le partager? Oui, ben dans le fond, c'est par rapport aux phases, tout Ouais, c'est dépendant, ouais, là. tu marches avec les phases 1, 2, 3, 4, 5 Ouais, exactement. comme Bref, Hockey Québec. du côté du RSEQ, les saisons sont prêtes. Okay? Donc, OK. exemple, un petit peu comme la Ligue nationale, pas comme la Ligue nationale, mais exemple que la saison débuterait rien qu'en janvier, ben, on a un calendrier égaux pour toutes les autres équipes par rapport à janvier. On a un calendrier de fête pour, exemple, décembre, novembre et octobre. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de match en septembre là, de notre côté. Donc, ça va laisser le temps aux gens de rentrer à l'école, faire une rentrée scolaire, parce qu'on verra comment ça va être rendu à ce moment-là. Donc, pour ce qui est des saisons, ils sont prêts lorsqu'on aura le feu vert de la santé publique. Maintenant, au niveau de la phase 6 ou la phase 5, l'avant-dernière phase, les matchs 3 contre 3 interrégionales, là, ben, toutes les organisations, autant les Espoirs 3A que les Lynx, que les Mustangs, on s'est tout entendu pour dire qu'on pourrait jouer un contre l'autre dans une saison qui n'est pas, qui est pas, il n'y a pas de points au classement, qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment juste pour se dégourdir un peu puis faire autrement que seulement des entraînements. Et puis, la phase, encore une fois, régionale à 5 contre 5, risque d'être prête pour le mois d'août. Le RSEQ régional, eux, on est en train de discuter avec eux. Fait que cette offre de service-là, cette phase-là sera prête au mois d'août. Puis de notre côté, ben, à l'interne, ben, on est en train de préparer une espèce d'école de hockey ou de développement individuel sur une période X, par exemple. Ça peut être un mois, ça peut être 2 mois. Et puis, on a créé un petit peu là, une plateforme web dans laquelle nos jeunes vont pouvoir s'entraîner, avoir des outils qu'ils vont pouvoir faire à la maison et à l'école. OK. Donc, on Ouais. est là-dessus. Mais là, ça va peut-être le mois de septembre, il y a le temps de se passer bien de l'eau sur la rivière. Par contre, comme je te dis, ça se prépare longtemps d'avance. Même que pour toi, ça complique de beaucoup les choses, là. Ben, c'est sûr que ça complique parce que tu sais, c'est sûr que par rapport à notre philosophie, c'est sûr qu'on ne veut pas retrancher personne sans avoir de camp. Notre objectif, c'est de pouvoir Ouais. avoir des camps au mois d'août, même si ce n'est que 2 jours, si ce n'est que une pratique ou peu importe, c'est sûr qu'on veut donner la chance aux coureurs. Parce Est-ce que qu'on va le préquel d'entraînement qui est toujours le printemps, c'est un peu pour ça aussi, là. Ouais, ben, ce que j'aimais aussi par rapport à ça, c'est que on gardait les jeunes une semaine chez nous, on continuait, on en retranchait un peu, on continuait au mois d'août avec une bonne vague, comme ça donnait une espèce de petite école de hockey là, sur 2 semaines avant et après Ouais. l'été pour des sommes qui n'étaient pas vraiment chères. Donc, c'est sûr que on va faire par contre, comme les autres années, on va confirmer des jeunes, exemple, qu'on avait dans notre programme, qu'on va rentrer en contact avec eux. Et il y en a d'autres qu'on va les dire, préparez-vous pour le camp. S'il y en a un, et puis si on n'en a pas, ben on va devoir trancher, mais c'est vraiment notre dernière OK. option. On ne veut pas se rendre là. Là, tes entraîneurs reviennent-tu? Pour ce qui est de mes entraîneurs, tout le monde, là, les rencontres individuelles de mes entraîneurs sont tous faites. Tout le monde revient de notre côté. Maintenant, dans quelle chaise seront-ils? On n'a pas de dévoilement encore à faire à ce niveau-là. Bref, pour ce qui est de ta question, là, tout le monde revient pour l'an prochain. OK. Ça fait pas mal le tour cette semaine. Donc, les prochaines dates à surveiller, c'est quoi? Tu vas y aller avec la santé publique, ça va en faire? Ben, on a une réunion mercredi et jeudi avec le OK. RSEQ. Je m'attends peut-être ben, sans parler de dévoilement ou des choses à venir. Donc, en tout cas, je veux pas trop me prononcer, mais j'ai l'impression que ça va quand même plus vite dans les dernières semaines que ça a été Ben ouais. les mois passés. Donc, ça va être comment en septembre? On va se croiser les doigts, mais je suis très optimiste quand même qu'on risque d'avoir une saison. Ben, la Maintenant, RSEQ, ça à va quel mois avec, qu'elle va être? avec la RSEQ aussi, là. La RSEQ, qui a, on sait que le football universitaire, ben, le sport universitaire au Québec a été au Canada est annulé. Par contre, la RSEQ n'a pas donné de date. Fait que n'a pas donné. Je pense que c'est en juillet que vous allez le savoir, hein? Par rapport Si la saison, s'il va y avoir une saison. non, Ça va aller bien avant ça. ben, non plus, ça peut, comme je t'ai dit tantôt, les saisons sont prêtes sur différents mois. Fait qu'exemple qu'on peut pas jouer de match, mettons, au mois d'octobre, Ouais. puis qu'on a le feu vert début novembre, ben, la saison va débuter début novembre. OK. Donc, les saisons sont vraiment là, séparées par mois, puis tout est organisé pour que chaque équipe joue le même nombre de matchs par mois. Donc, il OK. n'y aura pas de calendrier débalancé si jamais ça débute, exemple, en décembre. OK. Donc, Ben Simon, ça fait le tour, on se reparle pour se tenir au courant. ça marche, merci beaucoup. Responsable du Bye. programme, Simon Godin.